Vous êtes toujours dans l'émission Best-of d'Elmanger sur Zone de Radio Béton, les ondes du 93.6. Best-of du mois de juillet consacré aux sorties des trois premiers mois de l'année 2022. Voilà, parmi nos coups de cœur, Spotlight et autres focus, et puis juste des groupes qu'on a vraiment apprécié vous diffuser. Troisième bloc, constitué de six groupes. Nous aurons donc Party Cannon, Vorga, Venator, Parjure, Proudhon et Deathbell. Pour aller un peu plus loin dans les présentations des groupes que je viens de citer, nous aurons donc Party Cannon, le groupe de Brutal Slam Death venu d'Angleterre, qui peinait à me convaincre sur les précédentes sorties studio et qui là nous a sorti un monstrueux Volumes of Vomit. Depuis, le groupe joue partout, alors aux quatre coins du Royaume-Uni, et il s'exporte même très généreusement à l'étranger. Et puis sur scène, c'est superbement bien exécuté, et en même temps, c'est la méga teuf sur scène et dans la fosse. Party Cannon avait de bonnes inspirations en termes de compos, mais un peu trop guignolesque dans les attitudes. Là, ils ont su vraiment trouver l'équilibre entre la partie musicale et guignolesque de leur ambiance. Et ma foi, très très beau témoignage que ce Volume of Vomit, une sortie Garros Production, qui a vu le jour mi-janvier. Nous aurons ensuite Vorga, du Cosmic Black, actif depuis quelques années, et qui a sorti donc tout début février son premier album, qui a bénéficié d'un focus. Un black plutôt classique, cependant classieux, frontal, atmosphérique et très soigné dans les ambiances. Striving Toward Oblivion, c'est le nom de cette sortie studio. Nous avons eu ensuite une des petites perles de ce début d'année, Venator. Là, on était sur un groupe autrichien, du heavy revival, assez speed et assez vraiment... Dans le grain, dans les intentions old school, sans sonner vieillot, ça joue vraiment très très bien. Un chant qui manque cependant un peu de percussion par moment, et ça reste putain de plaisant à s'écouter. Parjure, ensuite l'excellent groupe de beatdown français qui nous a sorti un Uncrowned King ultra bon, rien à dire, hein, autour de mi-mars. Dommage que le groupe ne soit pas plus présent sur scène cependant pour le défendre. Nous aurons ensuite Prudent, le groupe de grindcore anarchique, qui nous a sorti un Social Tympanum, pareil de haute volée, fin mars. Et on clôturera ce troisième bloc avec Deathbell, un bloc qui fait la part belle aux formations françaises. Deathbell, c'est du doom toulousain avec une vocaliste à la fois qui propose des atmosphères plutôt pesantes, lourdes, asphyxiantes et parfois beaucoup plus rock, avec même des inspirations psyché-rock années 60. Donc voilà, Deathbell, j'ai complètement bouffé la première partie qu'ils ont eu l'occasion de faire. Mais voilà, un groupe à suivre dans les années à venir. Et forcément, en termes de rapprochement, on n'est pas sans voir un petit coven dans l'ombre de Deathbell. On passe tout de suite à la diff avec Party Cannon, le morceau Grace Obliteration en feat avec Don Kampman, bien sûr la voix de Waking the Cadaver. Vorga Last Transmission, pour ce groupe de Cosmic Black venu des étoiles. Venator, le morceau Manic Man. Parjure, on s'écoutera le titre de leur dernière sortie, The Uncrowned King. Proudhon, une doublette dans le bloc Arsenic Marx on Mars. Coucou l'humour, c'est parfait. Deathbell, on clôturera cet avant-dernier bloc avec Devoured on the Peak, l'album Nocturnal Crossing. C'est parti. We'll be right back. been initiated. I am a drug user. Fuck the police! We'll be right back. We'll be right back.

Et voilà, c'est déjà l'heure d'annoncer le dernier bloc dans l'émission Best of de ce soir. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes du 93.6, sur les ondes de Radio Béton. On continue à squatter le créneau 21-23, même pendant l'été. Au mois de juillet, c'est donc une rétrospective Best of de nos meilleures sorties, à notre point de vue personnel et puis c'est tout, de ce qu'on a pu vous diffuser, qui nous a vraiment marqué entre janvier et mars 2022. On se retrouvera en août pour attaquer eh bien, tout simplement la deuxième partie du best-of entre avril et juin-juillet. Dernier bloc constitué de 6 groupes internationaux et français. Nous aurons donc Venom Prison, Archville King, Night, Father Befold, Pure Wrath et Nocturnal Grave. Une dernière partie d'émission bien extrême. Nous avons donc tout d'abord Venom Prison, le groupe venu du Pays de Galles, toujours dans ce hardcore crossover death, qui sort là son troisième effort studio, toujours emmené par une vocaliste ultra vénère et ultra convaincue dans ce qu'elle fait. A noter une évolution qui tend très légèrement au niveau des guitares vers du death mellow, mais derrière ça reste ultra frontal hardcore death. Ils ont sorti un très très bon Erebos tout début février. Nous aurons ensuite une sélection spéciale de l'ami Thibaut, un one-man band venu de la scène black nantaise. Au passage, une signature sans surprise, Les Acteurs de l'Ombre. Un premier album un peu sale, un peu punk dans le fond, chanté en français sur certains textes. L'album de Archville King s'appelle À la Ruine, il est sorti le 18 février. Et voilà, c'était un des coups de cœur pour l'ami Thibaut. On continue avec Night, groupe de heavy hard rock old school qui nous vient des États-Unis, avec des vocaux cependant extrêmes à la sauce black metal, qu'on peut retrouver par exemple dans un groupe tel que Tribulation, second effort studio pour le groupe Rickin. C'est assez light dans le style, hein, c'est le groupe le plus léger qu'on s'écoutera dans ce dernier bloc. Old school et ça reste ultra sympa, disons que c'est un peu plus aéré à s'écouter qu'un Venator. On enchaîne ensuite avec Father Befold, là on est carrément sur un truc étouffant, asphyxiant. Cinquième album pour le groupe de putrid death caverneux, voilà, le groupe existe depuis une quinzaine d'années. Ils nous ont sorti un Crowned in Veneficum, excellente sortie Father Befold. Pure Wrath, un autre one-man band de black, cette fois venu d'Indonésie. Il sort là son troisième effort studio, une sortie toujours proposée par DB Murmorty Production. Voilà, c'est généreux, c'est épico-atmosphérique, c'est ultra classieux, et ça tient magnifiquement bien la route sur la durée de cet album de Pure Wrath. Nocturnal Graves, en clôture de ses tout derniers blocs, là on est sur un groupe de speed trash légèrement décisant. Ça nous vient d'Australie, c'est explosif et extrême. C'est une version plus agressive que les derniers Destroyer 666, hein, et d'ailleurs on rencontre un de leurs ex-membres dans le line-up. On est sur du Destroyer première vague. Quatrième effort studio, sorti sur le label français Season of Mist, intitulé An Outlaw Stand. Voilà, ça a vu le jour tout début du mois de janvier. Ça va donc être l'heure pour nous de se quitter avec ce tout dernier bloc best-of de l'émission Hellbanger, version janvier-mars 2022. On se retrouve tout au long du mois de juillet pour se réécouter l'émission, et ensuite, au mois d'août, on attaquera la période avril-juin-juillet de l'année 2022 pour les meilleures sorties à notre goût proposées dans Hellbanger. On se quitte donc avec Venom Prison, le titre Judges of the Underworld, Archville King dans la forteresse du Roi des Vers, Night, le titre Heliopolis, extrait de l'album Voices of the Cronian Moon, Father Befold, Dethrone Enslavement, Pure Wrath, The Cloak of Discrete, extrait de l'album Hymn of the Woeful Hearts, et on se quitte avec Nocturnal Grave, Command for Conflict. C'est parti, excellente fin de soirée à toutes et à tous, excellent été, on se retrouve très bientôt, ciao ciao. you.